écoute ça. Sali, MC Braco, Chroma, Sultan, c'est car la violence. Ici c'est chacun son délire, j'ai poussé, personne n'a mêlé. Si la vie est moche, tu peux toujours m'écouter pour l'embellir. Trop d'être pour être gardé, trop l'enfant pour finir à tes valeurs. Dire qu'une meuf c'est terrain jusqu'à les épater. J'en ai marre d'attendre après la chance, va leur dire qu'on veut péter. Chroma, Braco, Sultan, ligne à la rancune nous a possédé. De près, tu paieras avec ou sans flou. Je lâche des punchlines, monte le son et pars en drive. Ouais, du rap à plein temps, dors pas, appelle-moi full time. MC perturbateur, je viens se moquer la prod. Le son est lourd, il est gonflé sans prod. Et rien à cirer, ton état ne fait qu'empirer. Démarre la chop en mode nocturne, on part en virée. C'est trop sanglant, ma team te rend dedans. Lyrics appétissants et je viens la croquer à pleine dent. Hein. C'est la merde, on a sauté dans le tas. Votre RAP, l'effet d'un attentat. Tu peux nous tester, ne nous connais pas. Comme si ça rappait mieux que moi. C'est la merde, on a sauté dans le tas. Votre RAP, l'effet d'un attentat. Tu peux nous tester, ne nous connais pas. Oh mais d'où vient cette mélodie? Sûrement d'une autre galaxie. En tout cas, elle me donne l'inspire de spi et m'envahit l'esprit. Comment garder son calme? À brillant, c'est pas du slam. Faire des titres qui naissent en flamme, c'est ce que le public réclame. Le net nous a aidés, on peut pas nier ça, Dieu merci. Aujourd'hui, on vise plus loin, remplir la salle de Bercy. À bout portant, c'est important pour dévorer le rap. T'inquiète, on est tous partants. Goûte à la haine, chin chin à la tienne. Pas de haine, Ken, j't'envoie le verre dans le Seine. Allez, vas-y, saigne, devant les hautes scènes. Voici comment on rentre dans l'arène du rap game. Si, si, c'est ça qu'on aime. Mister, c'est R.O.M. Dans le poste du BM, dynamique sur le BPM. Il s'approche, s'accroche devant le rap qui amoche. Croche et décroche, même les mains dans les poches. C'est la merde, on a sauté dans le tas. Votre RAP, l'effet d'un attentat. Tu peux nous tester, ne nous connais pas. Comme si ça rappait mieux que moi. C'est la merde, on a sauté dans le tas. Votre RAP, l'effet d'un attentat. Tu peux nous tester, ne nous connais pas. C'est beau, avec la famille Tesso. J'ai très peu d'amis, super chaud. Chromis pourrait damer avec du salami. Salamé, gardez la pêche, les haineux sont alarmés. Regarde pas à côté, c'est bien en toi que je l'aime. Mes bras bras coco corrigé, on brille comme Christian Odiger. A rappeler de la merde, tu contamines, gros, tu nous fais chier. Pousse-toi de là, touche-toi là-bas. Bouge salopard, pas le temps à consacrer au autocar. Je sens que le seum les contaminera tous. J'ai le flow qui leur fout tous la frousse. J'ai plus de souffle et le chétan à mes trousses. Parle dans ta barbe, je dépilerai sans la mousse. Albatard à l'enculé, ils font que fabuler pour pouvoir nous voir reculer. On ne fait qu'essaculer, des victoires accumulées. On ne fait que les brûler, dans nos textes c'est acidulé. C'est la merde, on a sauté dans le tas. Votre RAP, l'effet d'un attentat. Tu peux nous tester, ne nous connais pas. Comme si ça rappait mieux que moi. C'est la merde, on a sauté dans le tas. Votre RAP, l'effet d'un attentat. Tu peux nous tester, ne nous connais pas. Comme si ça rappait mieux que moi. Ok, ok, gros. Sultan, Chroma, Braco, Sarah. Tu nous aimes pas. Et ben nous, on s'en bat. Mais je m'en fous moi que tu m'aimes pas. Style. À bout portant.